Le groupe The Verve sur RGM, un peu plus de 8h38. On parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 septembre 1940. Naissance de Brian De Palma, célèbre cinéaste américain qui l'on doit entre autres Scarface, Les Incorruptibles, Mission Impossible ou encore Le Dahlia Noir. 1945, naissance de Franz Beckenbauer, ancien footballeur allemand, ayant fait carrière de 1964 à 1983 en jouant au Bayern Munich, au New York Cosmos, à Hambourg, de nouveau New York Cosmos. Il a été entraîneur entre 1984 et 1996, tout d'abord de l'équipe de RFA de l'Allemagne, de Marseille, du Bayern Munich. Il était club avec lequel d'ailleurs il a remporté le championnat d'Europe. Non, avec l'Allemagne, pardon. Il a remporté le championnat d'Europe en 1972 et la Coupe du Monde 2 ans plus tard. Avec le Bayern, il a remporté le triplé en Coupe des clubs, champion européen entre 1974 et 1976 et élu deux fois Ballon d'Or en 1972 et 1976. 1958, à naissance de Roxanne Dawson, actrice américaine connue pour son rôle de B. Elena Torres dans Star Trek Voyager. 1961, naissance de Virginia Madsen, actrice américaine vue dans Mes plus belles années dans le rôle de Rebecca Sandstrom, ou encore la série Monk dans le rôle de Tika Jensen, ou encore Elementary. 1965, naissance de Moby, musicien de musique électronique, DJ, chanteur américain, notamment connu pour son titre Lift Me Up, dont on écoute tout de suite un extrait. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we fell. Voilà pour l'extrait de Moby. Allez, on continue. 1967, naissance d'Harry Connick, acteur américain vu dans Independence Day dans le rôle du capitaine Jimmy Wilder. PS I Love You, l'incroyable histoire de Winter le Dauphin, ou encore la série télé Will et Grace dans le rôle du docteur Léo Marcus. 1970, naissance de Taraji P. Henson, actrice américaine vue dans L'étrange histoire de Benjamin Button dans le rôle de Queenie. Karate Kid dans le rôle de Sherry Parker. Les figures de l'ombre dans le rôle de Katherine Johnson. D'ailleurs, il est passé à la télévision il y a quelques jours. Très beau film, vu également à la télévision, tout d'abord dans Boston Justice, dans le rôle de Whitney Rome, Person of Interest dans le rôle du lieutenant Josh Carter, ou encore la série Empire dans le rôle de Cookie Lyon. 1971, naissance de Richard Ashcroft, chanteur anglais du groupe The Verve. 1977, naissance de John Buckland, guitariste britannique du groupe Coldplay. C'est également l'année de naissance de Ludacris, rappeur acteur américain connu pour son rôle de Tej Parker dans Fast and Furious 2, 5, 6, 7 et 8. Il sera à l'affiche du 9e volet qui est actuellement en tournage et dont la sortie est prévue pour l'année prochaine, vu également dans les films Sex Friends ou encore Happy New Year. Et tout de suite, on va s'écouter un extrait de l'un des titres qui figure dans l'un des Fast and Furious. C'est en featuring avec Usher et David Guetta et le titre c'est Rest of My Life. If you live for something, you're not alone, my friend. So fill up your cup and lift your light up, a toast to life. Luda, they say what don't kill me can make me stronger. So two drinks a night should help me live longer. I blow some smoke just to give my lungs a test. Cause why tiptoe through life to arrive safely at death? I'm on a journey, yeah, I'm on a roll. Sometimes gotta close my eyes just to open my soul. And tonight is the night I got a feeling that I'm about to act a fool. So if you go fix some drinks, me and Ursa are about to break some rules. Have some red and gold, but the world is moving slow. I was born for the fast life. I go for broke, a lesson I can't afford. But for what it's worth, I'm ready to pay for the rest of my life. For the rest of my life. Voilà pour l'extrait de Ludacris. Allez, on continue. 1979, naissance d'Eric Abidal, ancien footballeur français, ayant fait carrière de 2000 à 2014 en jouant à Monaco, Lille, Lyon, club avec lequel il a remporté 3 championnats de France, Barcelone, club avec lequel il a remporté 4 championnats d'Espagne et la Ligue des Champions en 2009 et 2011. Ensuite, il a joué de nouveau à Monaco avant de terminer sa carrière à l'Olympiakos. C'est également l'année de naissance d'Ariana Richards, actrice américaine connue pour son rôle de Lex Murphy dans Jurassic Park et Jurassic Park Le Monde Perdu. 1981, naissance de Charles Kelley, chanteur américain du groupe Lady Antebellum. 1987, naissance de Tyler Hoechlin, acteur américain apparu dans 50 nuances plus claires, mais on le connaît surtout pour ses rôles à la télévision, tout d'abord dans la série 7 à la maison dans le rôle de Martin Brower, ensuite dans la série Teen Wolf dans le rôle de Derek Hall et maintenant dans Supergirl où il interprète Clark Kent alias Superman, hein, le cousin de Supergirl, et il apparaît également dans les séries Flash et Arrow quand toutes ces séries se croisent. 1991, naissance de Kygo, DJ norvégien, connu notamment pour le titre Stole the Show, dont on écoute tout de suite un extrait. Darling, darling, I'll turn the lights back on now, watching, watching. As the credits all roll down and crying, crying, you know we're playing to a full house, house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh, oh, oh, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go. Voilà pour Kygo. Allez, on continue. 2001, naissance de Mackenzie Alhajem, actrice américaine vue dans La Défense Lincoln. 40 ans, mode d'emploi, la série télé La Force du Destin. Nurse Jackie dans le rôle de Fiona Payton, Grey's Anatomy, Esprit Criminel ou encore Hawaii 5-0. En 1972, décédé Max Fleischer, scénariste producteur de cinéma américain à l'origine de personnages comme Coco le Clown ou encore Betty Boop. En 2001, décédé des milliers de personnes lors des attentats aux États-Unis. En 2002, décédé Kim Hunter, actrice américaine vue dans Un tramway nommé Désir dans le rôle de Stella Kowalski, La planète des singes dans le rôle du docteur Zira, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans Le secret de la planète des singes et Les évadés de la planète des singes. Et en 2011, décédé Andy Whitfield, acteur britannique gallois naturalisé australien, connu pour son rôle de Gabriel dans le film du même nom et son rôle de Spartacus dans la série télé Spartacus, le sang des gladiateurs. Allez, avant de s'écouter Coldplay, on fait un point sur les sorties cinéma en ce mercredi. Tout d'abord, une comédie dramatique intitulé Deux mois, c'est le nouveau Cédric Clapiche avec François Civil, Anna Girardeau ou encore Aya Aydara. Autre film, autre ambiance, un film d'épouvante, d'horreur, ça, chapitre 2 d'Andy Muschietti avec Bill Sarsgaard, James McAvoy ou encore Jessica Chastain. Autre film, c'est un biopic drame comédie intitulé Music of My Life de Gurinder Chadha Canada avec Vivek Kalra, Kulvinder Gir et Meera Ganatra. Autre film, Jeanne, drame historique de Bruno Dumont avec Lise Leplat-Prudhomme, Fabrice Lucchini ou encore Annick Laviville. Et enfin, dernier film, cette fois c'est pour les enfants, film d'animation intitulé Un petit air de famille. Voilà pour les sorties cinéma. On s'écoute tout de suite Coldplay. On remonte quelques années en arrière avec leur titre The Scientist. Just guessing.

Lady Antebellum avec leur titre Need You Now sur RGM, 8h presque 8 minutes. C'est l'heure de se dire au revoir. Hein. Prochain rendez-vous, ce sera 13h30 avec Chris, en route vers l'insertion. Ensuite, ce sera 20h Nothing But The Blues et 21h la rediffusion de Mosaïque avec François. Nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.